Chapitre 6 Mademoiselle Pellouer et Rayon d'Or. Comme Farah Karadja, la mère de Rayon d'Or, avait offert de loger la prisonnière dans sa tente et qu'on le lui avait accordé, Rayon d'Or conduisit la jeune femme à la tente. « Mademoiselle, lui dit-il, vous ne serez pas trop mal chez nous. Je sais trop bien chasser pour que les fourrures nous manquent. Vous coucherez sur un lit digne d'une reine, car il se composera de peaux de martre, zibeline, d'hermine et de castor. » Mademoiselle de Pellouer, qui s'était étonnée déjà d'entendre un Indien parler purement le français, s'étonna plus encore de s'entendre appeler mademoiselle. « Où donc, demanda-t-elle, avez-vous appris à parler ainsi le français ?»« Mais, dit-il, je suis français. » Fièrement, « je suis un bois brûlé. » Il conta son histoire en quelques mots, et il remit la jeune fille aux mains de sa mère et de sa sœur, qui lui prodiguèrent soins et caresses. Ce qui enchanta Mademoiselle de Pellouer, ce fut de pouvoir parler français avec Farah Karadja, fleur de juin, et avec Elie Dota, petit oiseau des bois. Rayon d'Or ne parlait que français avec sa mère et sa sœur. Il forçait celle-ci à écrire dans les cahiers de la Société de la Lecture. « Tu épouseras un bois brûlé, disait-il. J'ai parmi eux des cousins, nous irons les voir. Il y en a qui t'aimeront, et tu choisiras. Mais tu sauras lire, écrire, compter, et ton mari ne rougira pas de ton ignorance. Et les autres femmes ne t'appelleront pas la sauvage. » Quand Rayon d'Or jugea que Mademoiselle de Pellouer s'était rafraîchie, il vint la trouver. « Mademoiselle, dit-il en souriant, c'est le père, non la mère, qui fait la tribu. Mon père était bois brûlé, je suis donc, moi, un bois brûlé. Les Sioux sont engagés avec les directeurs, même moi pas. Je ne me suis pas fait reconnaître comme guerrier avant que cette canaille de Nielsen ne soit partie, pour ne pas m'engager avec lui. Écrivez donc une lettre pour votre oncle et je la porterai. Et si le sachem le sait ? Il sourit. Qui le lui dira ? Pas vous, pas votre oncle, pas ma mère, pas ma sœur. » Puis secouant la tête. « Du reste, j'ai une idée. Mais écrivez vite cette lettre. Il faut que je me mette sur les traces des directeurs. » Mademoiselle de Pellouer fut très touchée de ce dévouement. Elle l'en remercia. Toutefois, elle trouvait qu'il s'exposait trop pour elle. « Je ne puis accepter, dit-elle. Pourquoi vous exposer à ce point ? Je ne cours en réalité qu'un seul danger, c'est de payer ma rançon trop chère. Mais mon oncle est riche. » « Bon, fit Rayon d'Or, il est riche. Est-ce une raison pour le laisser exploiter par les directeurs ? Et puis, vous êtes française, votre oncle est français, et je trouve humiliant que vous soyez victime de ces directeurs, tous anglais. » Très énergiquement. « Du reste, ma résolution est prise, et si vous ne me donnez pas de lettres, j'irai sans lettres. » Mademoiselle de Pellouer finit par se laisser convaincre. Elle écrivit et remit à Rayon d'Or une lettre pour M. Dussonville. Le jeune homme fit ses provisions, monta à cheval et partit le jour même. Fleur de Juin dit alors à Mademoiselle de Pellouer très doucement, « Il faudra être indulgente pour nous, car tu ne mangeras pas tous les jours de la viande fraîche. Notre chasseur est parti. »« Mais moi je reste, » dit-elle. Fleur de Juin ne comprit pas d'abord ce que cela voulait dire, et elle ne se rendit compte que le lendemain de la portée de cette parole.